Irène Bélier. Alors, je crois que on doit effectivement discuter du passage dit RCE, c'est-à-dire responsabilité compétences élargies. Le président a en effet signalé à plusieurs reprises qu'il serait dommage que le HESS soit le seul EPST qui ne serait pas passé aux compétences élargies en 2012. Donc, effectivement, c'est le régime d'alignement EPST-université. Il a aussi spécifié, et c'est ça qui biaise sans doute la discussion, le fait que finalement le passage aux compétences élargies ne changerait pas grand-chose à l'EHESS dans la mesure où on avait déjà une gouvernance particulière, un système, etc. particulier. Mais il a aussi introduit des éléments qui, à mon avis, nous permettent de réfléchir et il nous a donné les éléments de la réflexion. À savoir, je crois qu'on a eu au moins 4 ou 5 conseils scientifiques qui ont été dans lesquels on a abordé les éléments des conséquences du passage au RCE. Les aspects les plus qu'on a à craindre le plus fortement sont évidemment les aspects sur lesquels on a certainement le moins de décisions possibles. Je suis d'accord, c'est le fait qu'on va, si j'ai bien compris, hein, on va passer d'un budget de 15 millions d'euros à un budget de 64 millions d'euros, qui va inclure effectivement la rémunération des personnels, que tout ceci va se donner à travers une enveloppe globale, que donc à partir de là, il pourra y avoir une distribution dans les allocations de cette enveloppe sur enseignement, doctorat, étudiants, pôle recherche, etc. à l'intérieur de l'école, et que finalement, il va falloir recruter beaucoup de managers de gestionnaires pour pouvoir passer à ces compétences élargies, notamment pour ce qui concernera les feuilles de salaire, les fiches de paye, tous ces trucs-là qui actuellement étaient faits centralisés au niveau du ministère et qui va passer aux établissements. Ça va donc avoir un certain effet sur la nature des personnes qui seront employées à l'école et ce que l'on va faire avec cet argent. Ça permet aussi de convertir des emplois en contrats à durée déterminée. Donc là, on a des objectifs à défendre et à être extrêmement vigilant. Et pour en revenir sur la question de la spécialisation, je rejoins en effet le point d'Isabelle. Si on veut à la fois, disons, accompagner cette ERCE, parce que de facto, je crois qu'il sera difficile de s'y opposer, étant donné la nature des arguments qui sont apportés, alors il faudra que les membres du conseil scientifique et les membres du conseil d'administration soient extrêmement vigilants, soient en session presque constamment pour pouvoir surveiller les éventuelles dérives qui pourraient se nicher ici et là dans les attributions budgétaires qui seraient faites sur tel et tel poste. Donc je crois que ça c'est à surveiller et il y aura des éléments de concurrence entre les demandes, hein, enseignants, doctorants, étudiants et contractuels, etc. Sur l'autre point de la démocratie, moi je dirais que le conseil scientifique fonctionne sur la base d'une information qui est qui est transmise. On reçoit les informations, on a le temps de les regarder, il y en a beaucoup trop, effectivement. On se réunit tous les mois à peu près 5 heures par session, donc c'est quand même pas mal, de 6 heures à 11 heures le soir. Les décisions qu'on ne peut pas prendre sur le moment parce qu'on n'a pas eu le temps de les examiner, on peut prendre le temps de les réexaminer pour la fois suivante, ce qui fait qu'on a quand même le temps de se saisir si on veut s'en saisir, et qu'il faut bien distinguer le fait qu'il y a des grandes décisions et des petites décisions. Donc les grandes décisions, je suis assez d'accord sur l'analyse d'André Gunther sur le fait qu'on a des éléments de contrainte qui sont assez fortes. Sur les petites décisions qui portent sur toute la vie scientifique de l'école, je crois qu'on a un rôle qui existe sur l'évaluation des prix, des GR, des GIS, des réseaux, des HDR, donc il y a des éléments de vie scientifique sur lesquels on a à se prononcer. Et enfin, je conclurai parce que ça ne va pas être l'objet du débat, mais en tant que représentante élue par le collège CNRS, je partage avec mes collègues du CNRS l'impression qu'on est quand même en nombre tout à fait insuffisant à l'intérieur du conseil scientifique et du conseil d'administration pour pouvoir, c'est le même problème, pour pouvoir poser un certain nombre de perspectives qui ont trait à la vie commune des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans les UMR, par exemple, ou dans la distribution du fonds de recherche, etc.